Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin terminer le chapitre 2 et nous allons voir une belle manifestation de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu envers les pécheurs. Prions. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie. Dans la joie parce que ce que nous allons lire, la plupart d'entre nous avons déjà expérimenté cela. Mais on va voir que notre expérience, notre foi est basée sur la vérité, est basée sur l'histoire qui s'est passée en acte 2. Et nous allons terminer d'écouter ce que cet homme appelé Pierre, rempli de l'esprit, a dit à cette foule qui était là en ce jour de la Pentecôte. Guide-nous par ton Esprit Saint et nous allons te louer à la fin de ces quelques minutes. Amen. Il serait bon qu'on puisse prendre le temps de lire, si vous voulez bien, le texte que nous allons regarder à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous! » Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons arrêter là pour le moment. Dans le verset 35, Dieu avait dit, par la bouche du prophète David, en parlant de Jésus, « Viens t'asseoir à ma droite, et je veux faire de tes ennemis ton marchepied. » Donc, les ennemis de Jésus, c'est la foule qui est devant Pierre. C'est le peuple d'Israël qui a rejeté son roi, qui a rejeté en grande partie son Messie. Il dit, « Je veux faire de tes ennemis ton marchepied. » Et le mot marchepied, c'est une expression de l'Ancien Testament, à ce que j'ai pu lire, c'est que quand les rois allaient à la guerre, les rois vaincus, on les forçait à se mettre à quatre pattes, devant le roi vainqueur, et le roi qui était vainqueur mettait ses pieds sur la tête des rois et faisait ainsi de son marchepied. Est-ce que ça fait référence à ça? Je crois que oui. Peut-être que si sinon, une chose est certaine, ton marchepied, ça veut dire que t'es dessus tes ennemis, tu as écrasé tes ennemis, tu as vaincu tes ennemis. Donc, la foule qui a entendu cela, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, « Que ferons-nous? Quel espoir avons-nous? Quelle chance avons-nous, si on emploie notre langage aujourd'hui? Que pouvons-nous faire? Nous avons tué le Messie. » Et par la bouche de Pierre, Dieu va présenter à ce peuple et à tous ceux qui sont là une solution à leur dilemme. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Deux choses. Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de repentance ici, de quoi parlons-nous? Est-ce que Pierre les appelait à se repentir d'avoir fumé du pot? Est-ce que Pierre les appelle à se repentir d'avoir pris de la boisson? Est-ce que Pierre les appelle à se repentir d'avoir couché avec la femme du voisin? Est-ce que Pierre les appelle à se repentir d'avoir été des voleurs sur les impôts? Ou d'avoir travaillé au noir? Non. C'est pas ça. C'est pas ça qui est le contexte ici. C'est repentez-vous de votre attitude et de votre de vos actions que vous avez eues à l'égard de Jésus. Repentez-vous, parce que Dieu vous avait envoyé le Messie, Dieu vous a envoyé votre Seigneur, Dieu vous a envoyé votre Roi, et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Repentez-vous. La repentance, c'est on décide de se tourner vers Dieu dans la soumission, dans l'obéissance. J'accepte que Dieu dit vrai. J'accepte ce que Dieu a fait. En envoyant son fils Jésus, j'accepte que c'est lui que Dieu a envoyé. Parce qu'en se rebellant contre Jésus, ils se sont rebellés contre celui qui avait envoyé Jésus. Souvenez-vous ce que Jésus avait dit. Si vous me rejetez, vous rejetez celui qui m'a envoyé. Les Juifs ici avaient exprimé leur rébellion envers Dieu en rejetant le Messie que Dieu avait envoyé et qui avait démontré que c'était lui par les miracles qu'il avait fait. Donc il dit, repentez-vous envers Dieu. Repentez-vous. Et croyez que Jésus, que vous avez crucifié, c'est lui le Messie qui devait venir. Et pour démontrer que vous y croyez, faites-vous baptiser en son nom. Ça, c'est les deux choses que Dieu offre, afin qu'ils aient le pardon de leurs péchés et le don du Saint-Esprit. Tu veux que je te pardonne? Tu veux que recevoir le don du Saint-Esprit comme ceux que tu entends et que tu vois maintenant? Repends-toi et fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention, frères et sœurs, quand nous disons que le baptême ne sauve pas. Faisons attention. Ce n'est pas un langage biblique. Je vous défie de trouver dans la Bible une phrase qui dit que le baptême ne sauve pas. Au contraire, je peux vous trouver plusieurs passages dans le Nouveau Testament où ce qui est dit que le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sauve. Je suis bien sûr que même si tu te feras baptiser 100 fois et tu n'as pas la foi et tu ne t'es pas repenti, ça ne sert absolument rien. La question que je te pose, si tu t'es repenti et que tu dis croire en Jésus, pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Pourquoi? Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Si tu t'es repenti et que tu crois que Jésus c'est le Messie, tu devrais demander de te faire baptiser. Tu devais demander. Et tu vas recevoir le pardon de tes péchés, le don du Saint-Esprit. Faisons attention de dire que ceux qui ne se sont pas fait baptiser et qui n'ont pas été et qui ne veulent pas l'être pour des raisons diverses, faisons attention de dire trop vite qu'ils sont sauvés quand même. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Dans la Bible, tous ceux qui se repentent et qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui professent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, on les invite à se faire baptiser. Tout de suite. On les baptise tout de suite. On ne leur offre pas un cours de 14 leçons sur le maître son disciple. On ne leur offre pas un cours sur le devenir membre de l'Église. On les fait baptiser. Dans les Actes des Apôtres, c'est tout de suite. Tu crois, fais-toi baptiser. Si tu, les ceux qui étaient dans la foule et qui se sont repentis et qui n'ont pas été baptisés ne sont pas comptés parmi les 3000. Ils ne sont pas parmi les 3000. Les 3000, on va voir tout à l'heure, se font baptiser. Ceux qui ont dit avoir été ajoutés à l'Église par le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui ont été, qui se sont repentis et qui ont, se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. C'est ça que le texte dit. On a bien beau essayer de passer aux côtés et de dire toutes sortes d'affaires, mais c'est ça que le texte dit ici. Quand on dit « Faut-tu être baptisé pour être sauvé? » On pose la mauvaise question. Moi, la question que je vous pose, c'est « Pourquoi tu ne veux pas être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ si tu dis que tu crois en lui? » Pourquoi? Donne-moi une bonne raison, une raison valable. Mais si tu avais été dans les actes des apôtres et que tu aurais donné n'importe quelle raison, je ne crois pas qu'on t'aurait considéré comme étant un croyant. Dans la Bible, on les appelle les baptisés, on les appelle les croyants, on les appelle les disciples, on les appelle les chrétiens. C'est toute la même gang, ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Acte 19, « Avez-vous été baptisé au nom de Jésus-Christ? » On n'a même pas entendu parler de ça. Et Paul les évangélise. Et ils se font baptiser et reçoivent le don du Saint-Esprit. Et la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ amènent le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Dieu est prêt à pardonner tous les péchés que vous avez faits, même celui, si vous aviez été dans la foule, d'avoir crucifié le Messie. Même si vous aviez été le soldat qui a planté les clous, il vous aurait pardonné si vous êtes repenti et que vous avez fait baptiser à son nom. C'est les deux plus belles choses que Dieu peut vous donner. Quand il nous a donné ça, frères et sœurs, même s'il nous donnerait rien d'autre de plus. Même si après ça, il nous mettrait quadriplégique sur un lit d'hôpital pour le restant de notre vie. Il nous a donné des milliards de fois plus qu'on méritait, déjà. Et l'apôtre Paul, il dit, l'apôtre Pierre, excusez, il dit, ce que je viens de vous dire là, la promesse est pour vous tous, pas vos enfants, pour tous ceux qui sont loin ou de près, aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler, tous peuvent être sauvés. Tous peuvent avoir le pardon des péchés. Tous peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. De tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les couleurs, tout le monde peut l'avoir. Il dit par beaucoup d'autres paroles, il les exhortait à s'éloigner de cette génération perverse. La génération perverse, ce n'est pas les drogués, ce n'est pas les tatoués, ce n'est pas les piercings, ce n'est pas les ceux qui ont des mohawks, c'est pas ça. Ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les témoins de Jéhovah, c'est pas ça. La génération perverse, c'est la génération qui a tué le Messie. Parce que toutes les générations avant et toutes les générations après font les mêmes péchés, là. Ce qu'on encourage ici, c'est détournez-vous de cette génération qui a tué le Messie. Vous autres, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Dieu est prêt à vous pardonner et à vous donner le Saint-Esprit qui va venir répéter dans votre cœur. Si Théophile n'était pas converti, je crois qu'il a pu croire que c'était pas lui, cela. S'il s'était converti, il comprend mieux que ses péchés sont tout pardonnés et que maintenant, lui, s'il n'est pas baptisé, il doit se faire baptiser. Et s'il se fait baptiser, il va avoir le don du Saint-Esprit pour toujours, comme tout le monde, même si ce n'est pas un juif. Et à partir au verset 41, excusez, « Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ de 3000 hommes. » Ceux qui acceptèrent ce que Paul venait de dire, pas Paul, mais Pierre, excusez, ce que Pierre venait de dire au sujet de Jésus, qui avait été approuvé par Dieu, qui avait été livré par Dieu, qui avait été ressuscité par Dieu, qui avait été élevé à la droite de Dieu, que Dieu lui avait donné le Saint-Esprit et qu'il l'avait répandu, que Dieu avait fait de lui le Seigneur et le Maître et le Christ. Ceux qui acceptèrent ces paroles de l'apôtre Pierre qui venaient de Dieu se firent baptiser. Se firent baptiser. Ça n'a pas dû être facile pour ces 3000-là. Il y avait peut-être eu toutes sortes de raisons qu'on aurait pu invoquer là. Leur vie est en jeu, eux autres, en se faisant baptiser. Mais pourtant, 3000 se sont fait baptiser. Or, il y en a peut-être eu un autre 3000 qui était intéressé, mais par crainte des hommes, ils ne se sont pas fait baptiser. Mais on ne les a pas considérés dans les 3000. Et Jésus ne les a pas ajoutés à l'Église, comme il dit au verset 47. ceux qui ont accepté ont commencé à faire quelque chose d'intéressant. Et nous allons le voir demain, parce que je vois que notre temps est déjà écoulé. Prions ensemble. Notre Père du ciel, quelle grâce, quelle bienveillance, quelle miséricorde, quel amour d'offrir au meurtrier de ton Fils, d'offrir à ceux qui ont crié « Crucifie-le », d'offrir à ceux qui ont emmené Jésus devant Pilate, de les offrir le pardon, de les offrir le don du Saint-Esprit. Merci Seigneur que tu l'as fait. C'est pour ça aujourd'hui que je peux dire que je l'ai, que j'ai été pardonné et que j'ai le don du Saint-Esprit en moi. Seigneur, aide-nous, quand nous prêchons la parole, à ne jamais diluer l'enseignement, à jamais diluer l'Évangile. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons appeler les gens à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. N'essayons pas aide-nous à ne pas rendre ça facile pour qu'ils disent oui. Aide-nous à être plein d'Esprit Saint, comme Pierre, et de dire la vérité telle qu'elle est. Toi, sauveras qui tu veux, comme tu veux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.